Merci. Et rassurez-vous, on ne fera pas la quête. Hein. Je ne ferai pas la quête pour les 200 000 et 15 euros. Bon, merci. C'est fort, non? Merci d'être là. Merci à Edwige pour ces mots d'introduction. Donc, merci pour écouter parler donc, de performance. Des mots, quoi. À propos de faits d'armes passés. Vous savez, comme les vieux militaires qui racontent leurs vieilles batailles, perdues, bien sûr, à table, en bougeant les salières et le poivrier. Alors que la performance, en principe, ça se vit et ça se raconte pas. Mais puisqu'on m'a demandé d'en parler, à Maria, bien sûr. Ouais, mais enfin, si vous trouvez que c'est nul, que c'est débile, hein, vous pouvez crier, partir, m'envoyer des tomates ou siffler. Voilà, on n'est pas obligé de rester. Voilà, alors j'ai choisi le titre, il était une fois la performance, pour donner à mes propos une sonorité de western, de violence, d'aventure, un peu comme il était une fois dans l'Ouest, quand la performance était encore un acte un peu violent et subversif, un acte de résistance contre le pouvoir et ses corollaires, c'est-à-dire l'argent, la corruption, et non pas comme aujourd'hui, une sorte de passe-temps mondain payé par les musées entre le champagne et les petits fours où les performeurs viennent se donner en spectacle. Bon, mais j'ai toujours fait des happenings, surtout dans les années 60, comme des faits divers, c'est-à-dire que des actes de rue qui appartenaient aux passants, donc c'est les passants qui dirigeaient un peu la performance. Et chaque fois, dans les années 60, c'était police-secours. La performance se terminait avec police-secours, disons, qui m'embarquait dans le panier à salade et qui devenait, à cause de moi, un panier à artistes. Et dans les années 60, on m'a fait même passer, après l'attentat contre Malraux, des examens psychiatriques. Donc c'est pour dire que dans ce temps-là, voilà. Alors pour moi, la performance, je le lis, après c'est fini, est un acte éphémère et gratuit qui laisse juste quelques taches sur le trottoir, quelques images dans les yeux des clochards, des enfants et des chiens, et quelques lignes dans le journal local, et pas davantage. Voilà, donc ça c'était pour la théorie. On va passer aux performances plus ou moins célèbres. Je ne sais pas si certains ont acheté le Télérama de la semaine dernière, où j'avais une photo pleine page, un grand article, c'était un numéro spécial de Télérama sur les provocateurs. Et dans le monde d'hier, donc c'est pas vieux, il y a une page entière sur l'urinoir de Duchamp, et l'article du Monde commence par rappeler mon acte au centre Georges Pompidou. Voilà, donc on commence. Alors une liste de performances que j'ai préparée, plus ou moins drôle, mais en principe plutôt drôle. Bon, il y a eu l'attentat Malraux, donc en 1969. À Nice Cimier, pour la pose de la première pierre du musée Chagall. Donc on aimait bien Malraux d'avant, c'est-à-dire le Malraux aventurier, le Malraux écrivain, le Malraux même gigolo des premières années de jeunesse, mais pas trop la marionnette qu'il était devenu, disons, avec De Gaulle, qui faisait peindre des plafonds à Chagall et qui repeignait Paris en blanc. Donc j'ai décidé de faire quelque chose pour sa venue, et j'avais préparé pour ça donc un sort de pistolet à eau rempli de peinture rouge, et donc j'étais au milieu de la foule habillé normalement, c'est-à-dire anonyme quand je fais des performances, voilà. Et donc la performance a commencé quand la Rolls de Mecht a débuté avenue de Cimier avec les DS présidence, enfin de Malraux, et c'est presque moi qui ai ouvert la porte de la déesse de Malraux, et j'ai vu sortir donc l'image bien connue d'une tête blême avec une grande cape, un sorte de vampire de série B. Donc je lui ai dit, voilà, je suis Pinochelli, voilà, à bas Chagall, et donc j'ai tiré une seule rafale avec mon pistolet de haut en bas. Et donc Malraux, l'image de Malraux, pour moi, qui restera tout le temps, c'est il s'est recroquevillé, l'image d'un sorte de vieillard, bon. Recroquevillé contre une porte de déesse avec une sorte de peinture qui partait du front et qui allait jusqu'à sa cape. Et alors le préfet des Alpes-Maritimes qui était avec lui, il s'est précipité sur moi, qui a dit « qu'est-ce qui arrive ?» Il s'appelait Jean-Pierre Thomas. Alors c'est là où je lui ai dit en le regardant « c'est rien du tout, c'est de la peinture à l'eau, ça part au lavage ». Et alors là, Malraux a eu un très bon arrière-réflexe, donc il m'a sauté dessus, il m'a arraché le pistolet à eau et il m'a badigeonné complètement. Mais là où j'avais tiré moi une seule rafale, comme Mathieu ou comme un performeur. Et donc il a fait des gestes extraordinaires pendant plusieurs minutes. Il m'a badigeonné de rouge en faisant des gestes comme ça. On était tous les deux tout rouges. Et en fait, son geste m'a sauvé parce que au lieu que ça soit un ministre dans son coin tout rouge, ridicule, j'étais rouge aussi. Et le lendemain, d'ailleurs, il a refusé de se changer pour aller à la mairie pour la manifestation qui devait suivre. Et donc, il a eu une standing ovation, sauf qu'il y a des mains charitables qui lui avaient enlevé la peinture rouge de la figure, mais il ne s'est pas changé et tout le monde lui a fait une ovation terrible. Et le lendemain, en première page, le Canard enchaîné titrait que j'avais redonné à Malraux les couleurs de sa jeunesse, le rouge de la guerre d'Espagne. Donc finalement, il s'en est encore bien tiré. Il a dit bravo, oui, et puis il a dit aussi je ne poursuis pas, c'est merveilleux de descendre dans la rue pour crier à Bachagal, et je ne poursuis pas. Et en fait, il était vexé comme un pou, là, je m'excuse du mot. Et en fait, le soir, il a dit à sa garde rapprochée, ce connard, j'aurais mieux fait de lui foutre un coup de pied dans les couilles. Voilà les paroles réelles de Malraux qu'il a dit comme ça. Donc, vous voyez ce que disent les politiques et ce qu'ils pensent, donc il y a une différence. Bon, et cette affaire Malraux, donc, le procureur a fait appel à minima. Et donc, j'ai risqué 5 ans de prison. Et puis un jour... Il ne pouvait pas se permettre de m'envoyer Malraux, de me faire passer au tribunal pour un acte comme ça. Il aurait fallu que Malraux vienne au tribunal. Donc, ils n'ont pas voulu m'offrir cette gloire. Donc, j'ai eu un non-lieu. Donc, j'ai rien eu du tout. Et l'histoire s'est finie avec Malraux, avec ce que j'appellerais une performance que personne, que j'avais pas convoqué du tout de presse. Ça s'est terminé au Panthéon en 96, le lendemain où Chirac avait reçu Malraux au Panthéon, avec, des funérailles nationales. Donc le lendemain, je suis allé au Panthéon avec des chaussures de crêpe normales. Et je ne sais pas si vous connaissez le Panthéon, c'est assez frigide comme endroit. Il y a une sorte de cercle au milieu. Et là, il y avait le tombeau de Malraux. Il y avait l'homme qui marche de Giacometti, qui fait 3 mètres de haut. Il y avait Anubis, le dieu des morts égyptien. Et il y avait deux gardes républicains. Et donc, à part derrière, j'avais une centaine de carambars. Donc j'ai jeté des carambars sur le cercueil de Malraux. Donc ça a fait un bruit de crépitement de mitrailleuse. Mais mon geste était rigolo parce qu'en somme, ça rappelait, je voulais rappeler un peu ce que faisaient les Égyptiens. Vous savez, quand dans leur mort, ils bourraient les cercueils de nourriture pour qu'ils aient de quoi manger pendant leur voyage vers l'éternité. Et moi, j'ai simplement voulu jeter une poignée d'enfance, de carambars, pour accompagner Malraux dans son voyage vers l'éternité. Donc inutile de dire... Que j'ai été embarqué, que j'ai encore, ça a fait toute une histoire. Tout le monde était tout blanc, tout le monde que j'avais pu. Et quand j'ai quand même franchi la ligne, il y avait une balustrade comme ça, où aucun garde sécurité n'osait aller, il y avait juste les gardes républicains. J'ai eu l'impression quand même de franchir un des cercles de l'enfer, tellement ça avait un côté impressionnant, cet énorme panthéon avec ce Anubis, le dieu des morts égyptien. Voilà. Bon.